Je suis savoir plus rien à perdre. Et qu'elle me paye mon Uber. La coupe est sortie à la paire. T'as même pas de sortie et t'as tout donné. Et on arrive en révélation. Comme les tablettes à Sumer. Faudra d'abord t'assumer. Si tu poses dans mon équipe, attends, c'est pas donné à tous. Et elle tous, n'en fume pas tout, pétasse. Lions-en dans l'attaque, déjà au maire. Ce gars la repère, comment se faire. De la maille sur ta tête. Tu vas remplir un dossier. Dedans tu mettras ma team. Tu l'enverras et tu diras qu'on les nie. Dans le contraire, je vois du vrai. Disons qu'on t'enferme dans ta propre vie. Moi j'aurais jamais leur routine clean. La tête fait mal, yeah. Maintenant c'est des bisous qu'on fera sur vos crânes, yeah. La tête fait mal. Maintenant c'est des bisous qu'on fera sur vos crânes. La tête fait mal. Maintenant c'est des bisous qu'on fera sur vos crânes, yeah. Lyonzon pas L, Y, eh. On est pas en 2005. On est déjà dissocié de vous. Elle va pas manger sur mon grec. Arrêtez de forcer pour notre connaissance. Ça donne envie de vous goûter, eh. On est cher qu'on fuck ta courtoisie. On va pas se cacher de vous dire que vous êtes des artistes locaux, eh. On fuck pas avec ce genre de bourgeoisie, eh. Fuck ta noblesse qui s'habille en Lacoste, eh. On dépense tout dans l'amusement. Votre jeu c'est un amuse-gueule. Beaucoup parlent, très peu assumeront. Ton fils de pute s'il te plaît ferme ta gueule. A terre tu serais que sans les prods. Et moi comment se balade sur les prods, hey. Pour vos stories écoutez le prod, hey. Pas le show ici, pas personne ne voulait être pauvre, hey. Ouais je me vois dans mon délire. Ouais je le vois en train de délire. Je sais pas c'est quoi le pire. Ouais je me vois dans mon délire. En plus de ça t'as pas les munitions. Et tu veux choper mon délire. Tu te fais carotte par le dealer. Arrache-toi comme dans un thriller. Plusieurs fois et plusieurs fuck et feu follet dans le cul ta russe. Plaisir français de voir les gueuches à plusieurs dans la rue Pasteur. Ouais je suis en apesanteur. Tu m'agages te les vendeurs. Tu posais comme un homme puissant en poussant le bouchon un peu trop loin. Appuie sur le bouton dès maintenant. Descends dans la cave dès maintenant. Lyonzon en équipe des magmas. Toqué chez toi et j'y fais ton père. Tu veux me finir en face t'as une chatte. En plus t'as le cash. Tu veux nous finir en face on te québra. C'est vrai t'as le cash man.